citoyens qui sont là-dedans. Là. C'est les gens, c'est la révolte d'un peuple. En fait, c'est pas ça. Parce que quand on prend le temps de regarder c'est quoi la campagne coule pas chez nous, on voit que c'est organisé par 6 comités, en fait, tout au long du trajet d'énergie Est. Et on dit que ce sont des gens ordinaires. J'ai un petit peu de la misère là-dessus. Parce que parmi les 6 qui font partie de ce groupe-là, vous avez bien sûr, bon, le mouvement Stop Oléoduc. Vous avez la coalition Bas-Saint-Laurent pour une prospérité sans pétrole. Vous avez la coalition Vigilance Oléoduc. Le regroupement régional de gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent. Vous avez également Non à une mer noire dans le Saint-Laurent. Puis qu'on prend le temps d'analyser un peu qui est derrière ces campagnes-là puis ces groupes-là. Je veux pas être plate, là, mais la majorité d'entre eux, ce sont tous des gens qui sont très, très, très, très, très, très, très liés à Québec solidaire. Stop Oléoduc, capitale nationale. Vous avez Raphaël Langevin qui est là-dedans. C'est qui, lui? Ben, c'est un militant qui a été candidat de Québec solidaire dans Portneuf en 2012. C'est le porte-parole aussi de l'Association de Québec solidaire à l'Université Laval depuis 2010. J'en ai déjà parlé de ça. Si vous regardez la coalition Vigilance Oléoduc, c'est tous des groupes qui font partie de la campagne coule pas chez nous, là. Pas des gens ordinaires, là. La propagande politique gauchiste communiste, là. Ça le cachera pas. Coalition Vigilance Oléoduc, le cofondateur et porte-parole, c'est Olivier Huard, candidat Québec solidaire dans Repatigny de 2012 à 2014. Déjà que vous avez des gens de Québec solidaire, des gens de la gauche communiste, le Black Bloc, des gens que leur propre but, c'est pas compliqué, c'est vraiment de foutre le bordel. Déjà qui viennent brainwasher les jeunes qui sont à l'université. Là, je dis les jeunes, d'habitude à l'université, vous êtes capable de vous faire une tête, là, mais ça a l'air qu'il y a beaucoup trop d'imbéciles des universités. Déjà qui sont capables, déjà d'embarquer lassé avec ça, qui est carrément, on se le cachera pas là, une association radicale. Le but, c'est juste de foutre le bordel. Maintenant, on est rendu, et puis il y a le cégep aussi, mais maintenant, on est rendu au secondaire. Ah ben, fait penser. Souvenez avec les carrés rouges, quand la gang d'Amir Kadir et Québec solidaire avaient donné des carrés rouges dans une garderie à Montréal pendant une manifestation, puis il y avait un ramassis d'enfants de 3 à 6 ans qui étaient dans la fenêtre avec des carrés rouges. On est rendu là. Vous en pensez quoi? C'est incroyable, hein? C'est débile. Ces gens-là sont partout et c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes organisations. Puis quand on est capable de dire, bon, ben cette organisation-là, c'est telle personne qui est là-dedans, qu'est-ce que vous pensez qui arrive après? C'est pas grave. On lâche le nom, puis on décide de se créer une nouvelle organisation. Toujours, toujours, toujours avec les mêmes personnes. D'ailleurs, il y aurait aussi manifestation de la CSN, qui est le bras financier de Québec solidaire. C'est pas compliqué, là. T'as Québec solidaire, t'as la CSN, t'as le Frappru qui est là-dedans, t'as Molotov Communication, qui que vous avez vite de même à brûle pour point, là. Il y a plein d'autres organismes qui sont liés à ça et c'est tout en lien avec Québec solidaire pour faire de la propagande gauchiste communiste. La CSN qui est d'ailleurs au centre des congrès ce midi pour faire une manifestation contre l'austérité, sauf que moi l'austérité je la vois pas. Fait que je sais pas pourquoi ces gens-là manifestent là, on continue d'augmenter le nombre de fonctionnaires ici au Québec, on continue d'avoir des dépenses tellement niaiseuses dans n'importe quoi, les systèmes informatiques juste de gérer ça au gouvernement, c'est des milliards de dollars qu'on a perdu là-dedans. On s'est fait faire des bureaux à 50 000 piastres de la craque. Je pense ça il y a pas de problème, mais ça a l'air qu'on est en austérité. Je la vois pas bien, ben, moi, l'austérité. Oui, puis oui. Va-t'en dans l'autre banque, Monette 1. J'étais ouais. Sorti, justement, là, tu venais de parler là de la manifestation qui a lieu présentement au Centre des congrès de Québec. Claudie Côté, c'est celle qu'on va entendre de TVA Nouvelles, qui a rencontré Jeff Begley de la CSN, qui explique là qu'est-ce qu'ils font présentement à Québec et qu'est-ce qu'ils dénoncent. Pour parler avec moi de ce qui se passe aujourd'hui, j'ai Jeff Begley. Monsieur Begley, aujourd'hui, vous dénoncez le projet de loi 10. Ils ont sorti casserole. Il a été adopté sous Bayon. À quoi sert cette manifestation aujourd'hui? Mais deux choses. C'est le paradoxe. D'ailleurs, en même temps qu'on a adopté sous le Bayon ici vendredi, le gouvernement d'Alberta, qui avait fait exactement le même exercice il y a 7 ans, annonçait qu'il revenait là-dessus parce que ça marchait pas. Puis dans les régions, les services, ça va être problématique. Nous savons, nous l'avons dit. Et le message, c'est de dire au gouvernement, on va vous souligner, chaque fois, il y a des failles à cause de la mise en place du projet de loi 10. Mais qu'est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va prendre une mobilisation comme on a vécu au printemps arabe pour que le gouvernement vous entende? Mais je sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Il semble, pour le moment, être assez sourd. Ça, c'est dit. Chose certaine, au fur et à mesure, regarde ce matin dans Devoir les cadres qui annoncent leur désarroi face à des choses qui s'en viennent. Mais c'est qui, lui, encore? Jeff Begley, la fédération de la CSN. N'importe comment. Santé, puis au pire, on les enlève de l'échiquier. C'est pas grave, mais c'est du monde, ça. T'as un gars qui est à Québec tout le temps, je pense qu'au fur et à mesure... Pas l'air de venir de Québec? Ben, moi, je vois qu'il y a un petit accent, là. Peut-être qu'il est à Québec, j'en ai aucune idée, là. C'est pour ça que je te pose la question, là. Mais je serais curieux de savoir d'où viennent les gens qui manifestent aujourd'hui. Étais-tu beaucoup? C'est là d'avoir du monde ou... Sur la vidéo là qu'on a pu voir à TVA Nouvelle, il n'y avait pas grand monde. Quelques casseroles. Ben, t'es entendu, là. C'était pas mal la majorité du monde qu'on entendait avec leurs petites casseroles au début. On a sorti les casseroles. Pour parler avec moi de ce qui se passe aujourd'hui, j'ai Jeff Begley. Ben, en fait, Monsieur on dirait qu'on a sorti trois casseroles. Mais il a été adopté sous baillon. Hey boy, on est tellement plus rendu là. Si vous voulez vous aider, vous donner une chance, les syndicats, l'AC puis Québec solidaire, lâchez-moi manifestation parce que je pense que le monde commence royalement à avoir leur claque. Là. Pis c'est du beau niaisage. D'ailleurs, petite idée. Vous dites ça comme ça, moi j'ai toujours des excellentes idées. Il va y avoir des manifestations, là. L'AC organise une grosse manifestation le 21 mars prochain, ou 21 mars ou 21 avril, je pense. Il y en a une c'est... demain, une manif à Québec. Oui, c'est vrai, t'en as une demain, hein, qui est organisée par la CSN, j'imagine, ou encore avec l'AC ou... Il y a comme tellement d'affaires dans Marmite, là, à un moment donné, on les mêle toutes, là, mais c'est une manif anti-austérité, ce que j'ai compris, là, demain. OK. Parce que, normalement, vous savez comment que ça finit, ça fait toujours en marde, il y a toujours quelqu'un qui essaie de casser une vitre à quelque part. Je suggère fortement de sortir les trucks de pompiers. Ça serait une maudite bonne idée, avec ça, hausse, pour... Avec la... Ben, mais, hein, juste pour la hausse. Arrosez-les. Tassez-les de là. À moins 20. Puis, pas grave. Garde. Il y en a qui vont comprendre assez vite. Là. Vous allez me dire, ah ben là, tu sais, des fois des balles de plastique, ça fait mal. Ou souvent à Montréal, il y a ça. Parce qu'à Montréal, écoute, c'est un bassin de black bloc qu'il y a là-bas. Là. Fait qu'on utilise souvent les gaz lacrymogènes puis les balles de plastique. Sortez-moi le truc de pompier, là. Puis arrosez-les en avant si jamais ils veulent faire du grabuge. S'ils veulent manifester comme il faut, puis il n'y a pas de problème, laissez-les là, là. Moi, j'ai pas de problème avec ça, c'est correct. Tant qu'on fait pas de problème. Mais Montréal, ça fait des années que je suggère fortement de sortir le camion de pompiers. Fais moins 20, je m'en sac. Tu veux péter des vitres, tu veux cracher dans la face des policiers, sors-moi la hose, puis ose-les toutes. Ça dépend, justement, s'ils manifestent de façon pacifique comme hier. Pas de problème avec ça. Quand j'étais allé au Parlement, là, pour la manifestation les quatre qui étaient là avec François Luch. Il y a pas de grabuge. C'était super sympathique. Ils faisaient pas de trouble. Ouais. Les députés passaient, ils leur serraient la main, ils leur mettaient leurs petits flyers. C'était super pacifique. Il y avait aucune violence à avoir là. Il y aurait jamais eu de trouble là. La police était même pas sur place. Ça valait même pas la peine. Mm-hmm. Ça, c'était parfait. Mais quand tu sors les casseroles, tu commences à bloquer comme quand justement ils ont fait là pour le projet de loi 10, là, ils ont bloqué l'accès à l'amphithéâtre, là, c'est le bordel. Ça avait aucun sens. C'est aucune classe. Il y a des gens qui ne savent pas vivre ici au Québec et surtout qui ne savent pas manifester. Mais bon, on aura amplement le temps d'y revenir. Martin Buzutil, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va.